Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Skyrock. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, c'est Planet Rap 7 Gecko sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bienvenue, c'est parti, coup d'envoi de ce nouveau Planet Rap. Il est là, en pleine forme, 7 Gecko est avec nous. En mode PSG. Ouais. Paris 7 Gecko. Paris 7 Gecko, en effet, ce soir face au Real Madrid. Ouais. Petit pronostic, tu veux qu'on attaque direct avec le pronostic ou pas, 7? Ah, c'est sûr que c'est Paris qui va gagner. Bah, évidemment. Un pari que tu retransmets régulièrement dans ton bar, d'ailleurs, le 7 Gecko Bar. Ouais, ouais, on diffuse tous les matchs qui intéressent nos Français. Puisque ce soir, nous allons faire une spéciale Thaïlande, qui est devenue désormais ton pays d'adoption. Exact. Le pays où tu te sens bien, le pays où tu as monté des affaires, notamment ce fameux bar, le 7 Gecko Bar. Ouais, et là où j'ai fait l'album aussi. Et là où tu as fait l'album, c'était où? Pas dans le bar, quand même. Non, mais j'aurais bien aimé faire une cabine à côté pour enregistrer. T'as pas réussi à capter l'ambiance et te dire, merde, je vais mettre... On a réussi à faire une cabine de massage. C'est déjà pas mal. Bien. Mmh. Non, studio, c'est quoi? T'as construit aussi un studio non, là-bas? Non, déjà au début, on empruntait des locaux. Et puis là, on a fait une structure pour pouvoir tout enregistrer là-bas. Faire un album lourd. Maintenant, tout le rap français se déplace en Thaïlande. Donc, même pour les feats, tu peux aussi enregistrer tout là-bas. Ici, il y a des gens qui veulent faire leur album là-bas, c'est possible. Exact. Là, le feat avec Gradure, Shintawaz, il s'est fait en Thaïlande. Le Lacrim aussi. Donc, je trouve que ça rajoute quelque chose de plus. Bah, terrible. Comment s'appelle ce studio? Tu lui as donné un petit nom ou pas encore? Ouais, il n'a pas de nom encore. Non. C'est le studio de la mort. C'est le studio donc, où tu as tout fait sur l'album. Tout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop non plus cette ambiance qu'on aurait pu penser de nostalgie de la France, de raconter un peu plus de choses perso, cette façon dont tu arrives en Thaïlande. Non, j'avais pas envie. Il y a des clins d'œil, évidemment. J'ai fait un morceau sur la Thaïlande, c'est 7 Gecko Bar, mais tout le reste de l'album, il parle de mon amour pour la France et de Paris. Et de ces fameuses punchlines, puisqu'il s'appelle Professeur Punchline. Voilà, il y a que de ça. Et qu'il sort vendredi, je crois qu'on m'a déjà tapé ma box. Ah ouais. Ma box. Il y a des chouraveurs à Sky. Ah non, elle est dans le placard enfermé à double tour. Puisque ça sort vendredi. Et ouais, j'ai eu en exclu cette box qu'on peut précommander dès maintenant. On peut préco la box, on peut attendre vendredi. En tout cas, il y a un t-shirt avec, un album lourd. Et c'est ça qu'il faut retenir ce soir. C'est l'album de 7 Gecko le 6 novembre. Ouais, c'est vendredi, Professeur Punchline. On va débuter avec 7 Gecko Bar. Et dans un instant, d'ailleurs, on passera un coup de fil. Voir l'ambiance. 7 Gecko Bar. Puisque, attends, il est quelle heure? Il est 2h du mat là-bas à peu près? Ouais. Presque 2h du mat. C'est ça. C'est jusqu'à quelle heure le 7 Gecko Bar? Eh ben, il reste 2h, mais quand il y a le match de foot qui va jouer ce soir, je pense qu'on va fermer le rideau un peu plus tard. Donc très bien, donc dans un instant un coup de fil à la Thaïlande avec 7 Gecko et on débute donc avec ce morceau qui s'appelle 7 Gecko Bar. Les images sont arrivées hier. C'est parti. T'es un loupard, benga. J'aime trop les femmes, j'aime trop la sap. Tu veux du taf, passe-moi ton number de tôle à sap. Pour faire du twerk, pas besoin de work permit. 34 degrés en hiver, choc thermique. Viens en couple, en grosse équipe. Le son est thug, mais c'est pas bordélique. Nouveau bar avec ventilo et la clim. J'suis tranquillo avec la crime. Jason Voorhees au platine. Et si les filles travaillent, on dit surtout pas qu'elles tapinent. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la piatch et de la grosse cochonne. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas Régal. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Pièce de batte dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de batte, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. L'ouverture c'est 20h. La fermeture c'est 4h. Y'a de la fumée et de la vapeur. Et de la verdure coupée au sécateur. 1000 battes la tournée de shooter. Y'a de la pupute, les dalles jouent les hookers. Tout le monde rentre ici, y'a pas de code couleur. Qui mixera demain, Snake ou Cut Killer? Y'a pas de feeder, le portier c'est Bobo. Qui n'y a opé le bar fine à la go-go. I'm in love with my noix coco. À 12 000 km de Saint-Ouen Lolo. T'achètes doudoune, j'achète short de bain. Si tu pars en coucou et boum, pomme de pain. C'est les avec l'homo Bob Chégué. Sois pas homophobe quand tu chites un peu pédé. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas Régal. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Pièce de batte dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la pillage et de la grosse cochonne. Cette gecko bar en dessous du gossip. Soir on piaffe comme des alcooliques. T'es même pas bonne avec ton gros slip. Une fois que je suis mao, ciao, I go sleep. Deux bouteilles, on place au VIP sucrète. T'es venu en Thaïlande grâce à Bouska Phuket. J'rappe pour les cailles dans la salle. Tatoué comme taille de la sign comme Latinos. Les yeux rouges comme un albinos. J'ai soif amigos, paye ta salitos. J'mettais vers Salcha avant les migos. C'est la haute saison. Bientôt la haute saison. Avant de demander une photo, apprends à dire bonjour. La moitié de mon chicson est en prison. Et l'autre moitié attend son tour. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régal. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Reste pas dans le calbar, Batman. Batman, je règle mes problèmes à coups de bat, Batman. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la biatch et de la grosse cochonne. Le 7 Gecko Bar, on a envie d'y aller quand même à ce 7 Gecko Bar. C'est une belle pub quand même, de 3 minutes 30. On a envie d'aller faire un tour au 7 Gecko Bar, on va y aller d'ailleurs. Justement, on offre un ticket d'or pour deux personnes en Thaïlande pour 4-5 jours. Donc précipitez-vous à pécho l'album, il y a une petite surprise dedans. C'est quand on chope l'album en physique, c'est ça? En physique ou avec la boîte collector. En fait, on a glissé un ticket dans chaque CD. Il y aura un grattage avec huissier, là, comme les trucs du loto sportif. L'huissier de justesse. Voilà. Mmh. L'huissier de jus de pisse et... Et voilà quoi. Et voilà, donc rendez-vous dans les bacs à partir du vendredi 6 novembre. Et puis hier, on l'a dit, il y a une application qui est arrivée aussi. Alors, il y a une pour application. Recréer la pochette, la fameuse pochette qui a fait tant parler de cette gecko. Ouais. Si les gens ils ont apprécié la pochette avec la main sur le visage en mode tête de mort, on a mis sur le Facebook et Twitter hier une application pour pouvoir le faire soi-même en fait. Parce que les gens ils n'arrivaient pas à détourer un petit peu, donc régalez-vous. Essayez de trouver le numéro de Sky et d'envoyer vos photos. Ouais, c'est assez simple en fait, vous allez sur skyrock.fm dans la rubrique Sky Direct, vous envoyez les photos ou alors via l'application, c'est encore plus simple. Un moyen direct de nous envoyer des photos. Voilà. Et ça arrive dans le studio. Envoyez-nous les aussi sur Twitter 7 Gecko, sur Insta, partout. On est là, on est derrière, on répond à tout le monde, on like tous les trucs qui nous concernent. On est présent sur les réseaux sociaux à mort. Bon, et avant de partir d'ailleurs au 7 Gecko Bar, une petite question. Quand tu arrives en Thaïlande, est-ce qu'il y a du rap en Thaïlande? Est-ce que ça rappe aussi? Est-ce que. Non, il y a une scène hip-hop en Thaïlande où c'est pas trop. Non, mais le rap se développe et des lieux tels que le mien, on passe beaucoup de rap français pour ceux qui ont envie d'écouter du rap français. Mais c'est quand même très pour les touristes. Rap Carré, mais on a plein de locaux. Français. Les locaux s'adaptent en fait. Les locaux, c'est surtout des filles. Elles ont envie de faire plaisir aux gars qui viennent. Donc elles apprennent aussi les morceaux. Ah oui, tu peux voir des petites tailles en train de chanter du lacrym. On dit on te monte en l'air. On peut découvrir. Ouais, elles essayent. Bah après, moi, cette gecko, je suis la star de là-bas. Ça, c'est autre chose. Est-ce que tu as eu peur d'ailleurs à un moment qu'il y a un autre rappeur qui arrive là-dedans, qui se dise putain, c'est vrai qu'il est en train de faire un petit business là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de gratter aussi? Mais je sortirai les gros quoi qu'il arrive. J'ai pas envie qu'on marche sur mes plates-bandes. Parce que la Thaïlande, c'est quand même. C'est vrai que c'est ta destination. Hein. Tu nous en parles depuis un sacré moment. Ça appartient à tout le monde qui veut venir. Mais s'amuser. Mais de là en faire aussi un business, d'ouvrir un bar, de faire des choses. Non, mais on mettra des bâtons dans les roues, ça c'est sûr. Soyez les bienvenus pour profiter. Voilà. Et après, remballer. Voilà, pas pour nous chier dans les bottes. Bon, on est en connexion ou pas avec le 7 Gecko Bar? Allô? Est-ce que tu reconnais l'ambiance, 7? Ah ouais, j'entends des filles qui gloussent et on est bien au bar. Nous sommes avec Jogo. Ça va, Jogo? Jogo? Eh ben écoute, bienvenue. Tout le monde se demande c'est quoi faire péter la cloche. Est-ce que tu peux nous faire sonner une cloche dans le bar que tout le monde sache c'est quoi, mon gars? Oui, il n'y a pas de problème. Allez, un petit coup de cloche. Est-ce que tout le monde est prêt là? Ah ben on est là. Est-ce que tout le monde est prêt? On est tous prêts. Péter un bon coup là. On n'a pas trop entendu la cloche. Ah bah là c'est tournée générale. Eh ben dis-le, c'est tournée, c'est le patron qui régale. C'est de la part de 7 Gecko, tournée générale. Dans le 7 Gecko Bar. Tournée générale de la part de 7 Gecko. Ah bah voilà, mais du français, c'est cool. Bon alors, explique-nous un petit peu qui est Diogo, avec qui on est en ligne. Bah, Diogo, c'est le manager du bar, c'est celui qui gère mes petites affaires. Quand je suis là, c'est une béquille pour moi, c'est un frérot aussi. Et quand je suis pas là, bah, c'est lui qui prend l'étoffe du boss quand je suis pas là. Donc là, il est en plein boulot. Là, il est en plein boulot, il est en train de s'occuper des Français qui sont là, des Anglais, de tout le monde. De toute façon, tout le monde est le bienvenu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de recevoir tous les Français qui sont un peu perdus et qui ont un point de repère. Et justement, c'est un endroit idéal pour parler avec moi rap quand j'y suis, tu vois, me poser des questions qui pourraient pas me poser. Au lieu de passer par Twitter, là, tu m'as en direct. Allez, en direct, ouais. Et Diogo, tu nous entends? Tu nous entends bien? Oui, je vous entends, je vous vois en direct. Ah bah, est-ce que vous diffusez, voilà. D'ailleurs, j'allais vous demander, est-ce que vous diffusez Planète Rap cette semaine en direct, chaque soir? Non, on peut pas spécialement, parce qu'en fait, on a une clientèle qui est majoritairement française, mais nous n'avons pas que les Français. Ah ouais, ok. On a des Australiens, on a des Anglais, on a de tout. Parce qu'évidemment, en Thaïlande, il n'y a pas que les Français. Ouais. Mais et tu passes le match. Tu passes le match ou quoi? Et il y a le match aussi, bah oui, forcément, il y a PSG Real. Dès que Paris marque, tu fais péter la cloche, ma couillasse. Et tu mets les lumières bleues et rouges. Ah bah en plus, ça c'est le mot du patron. Et si le Real gagne, c'est comment? Tu dis? Et si le Real Madrid gagne, c'est comment? Ah, mais toi, t'es un portugais, c'est normal, toi. Bon, ce sera une grande fête pour tout le monde, je pense, au 7 Gecko Bar. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on consomme le plus au 7 Gecko Bar? Si on arrive au 7 Gecko Bar, qu'est-ce qu'il faut demander? Est-ce qu'il y a un cocktail en particulier? Non, c'est le verre de Jack, il est bien servi. D'accord. Bon, ouais, ça. T'en as pour ton argent. Et puis, il y a la tournée de shooter quand tu pètes la cloche. Ah, il y a une, fille qui vient de sauter sur Diogo, j'ai l'impression. J'ai entendu un cri. Ouais. Voilà. Il y a une griffeuse dans le coin. Bon, merci d'avoir été avec nous en tout cas ce soir. J'ai une question pour toi. Quand est-ce que tu vas passer au 7 Gecko Bar? Ah bah... On aurait dû faire le Planet Rap là-bas, ouais, d'ailleurs. Franchement, on aurait fait le Planet Rap là-bas. Je serais pas sûr, je serais pas sûr que je serais revenu ici un jour ou l'autre. T'aurais une Thaïlandaise sous la table déjà. Ah. Là, j'ai Momo à côté. Voilà. Une chance au tirage, une chance au grattage. Ah, mais c'est le feu là ce soir. Bon, bon, fais péter la cloche, ma merci couillasse. En tout cas, Diogo. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, on va vous laisser faire la fête parce qu'on entend que c'est bien chaud. Allez, à bientôt, Diogo. Ok, ça marche. A bientôt. À bientôt, ciao. Le 7 Gecko Bar, on peut les saluer, ils nous regardent en ce moment. Salut à tout le 7 Gecko Bar, il est là, 7 Gecko, il revient bientôt. Tu retournes quand d'ailleurs là-bas? Décembre plutôt? Ouais, oui. ouais, pour décembre, la haute saison, elle commence, au moins qu'on soit là avec tous nos petits Français qui arrivent pour s'éclater. Là, il y aura Niska aussi qui va venir pendant cette haute saison. J'ai entendu, il y a plein de gros rappeurs là, on s'organise. Parce que je suis derrière ça aussi pour les aider à faire venir prendre des thunes et faire des shows et après se retrouver au 7 Gecko Bar. Et toi, tu seras aussi par contre en concert à Paris, je dis ça avant de repartir en Thaïlande, c'est le. Trabendo le 20. Le 20 novembre au Trabendo pour voir 7 Gecko. Ouais. Juste 15 jours après la sortie de l'album, puisque l'album sort vendredi. Tout à fait. On met un petit Titi parisien maintenant? Et bah là, un morceau exclu. Donc, ça, c'est un morceau inédit exclu, hein, celui-ci. Voilà, que là, il n'y a pas que les gens voient que c'est pas que du trap, l'album, ou du rap vulgaire, etc. Là, on a essayé d'aiguiser la plume, comme à l'ancienne, du 7 Gecko bien parisien. Titi parisien, Paris 7 Gecko, PSG, que la force soit avec nous. Régalez-vous. C'est parti, Professeur Punchline. Ça sort vendredi, et ça, c'est exclu Skyrock dans Planète Rap. Voici 7 Gecko. Le clip arrive bientôt. C'est Gex. Ça c'est du rap de Titi parisien. Je ferais disparaître la misère si j'étais magicien. Je vais te raconter le conte du plasticien. C'est de voir sa femme partir avec le prof de gym alors qu'il vient de lui refaire les seins. Je regrette encore l'époque de Gilles, X-Men, Mouden qui la bise et son essaim. On y stigmatise car on n'est pas des saints. Monsieur l'agent, on sait qu'il attise la pastille 51. Tu prends une bastos pour un terrain. Les flics pour eux t'es rien. Si tu liquides un homme, vise bien. Car un homme blessé en vaut plein. Faut que j'arrête la bière, je bedonne comme le bibin d'homme Michelin. C'est le déclin, on me fait des clins d'œil franc-maçonniques. J'entends encore le DAS qui tue et l'institut pharmaceutique. Nique leur logo ésotérique. Si je pouvais, je donnerais à tous les clodos une couverture thermique. Outré par le nombre de vieilles mandériques. Alors que Horst Tepper était un putain d'SS. La France fait peur, hommage à Clément Méric. Chaque chasseur de skin mérite un putain d'espèce. J'rappe sans vergogne. dressé comme un volcan d'Auvergne. Contre les ivrognes qui nous gouvernent, j'aime les hommes qui ont de la pogne, les poignées de main ferme. Mon vrai ligoté et les balance sur les voies des chemins de fer. Une amitié sincère, c'est beau comme une prison qui brûle. Mais des boules caisses en enfer, y'a des gens qui hurlent. Je rappe la hure, personne joue du mambo. T'es en danger de mort comme les adeptes de Joe, dis Mambro dans le Vercors. Ça c'est du rap de Titi parisien, avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Paris go, bête de feu. PSG sur le maillot comme Paris 7 Keiko. Yeah. Ça c'est du rap de Titi parisien, qui sort tout droit d'un bouquin de Franck Margerin. Du rap de martien comme Grishka et son frère Igor. Un son pas rigor, pas du Périgord. Qui s'exprime à l'aide d'argot et d'oxymore. Qui fut un temps vendé de la drogue sous le corridor. Ça c'est du rap de Titi parisien. J'aurais refusé qu'on me dise pédale, même si je m'appelais Poulidor. Méfie-toi de l'eau qui dort. Si je marche la tête baissée, c'est que ma chaîne pèse au moins de l'eau qui dort. Toujours fidèle à ma joncaille. T'as pas de lové ma caille. Va chiner son acaille. Aïe, en mes gants sur la Winchester chromée pour pas les se faire gauler. On a baigné dans le crime en nageant d'eau crôlée. À Leicester, que Dieu me préserve des rites mystiques d'Aleister Crowley. Je mets de l'argent de côté, c'est de la congélation de pognon. Dans tes amis, y'a ton pire ennemi déguisé. Je reste droit comme la constellation d'Orion, aligné avec les pyramides de Gizeh. Ça sent le kiss dé, c'est chaud pour ton matricule. Fil circule entre les parties fines et les particules fines. Et je lève mon verre de tease à la menthe pour les darons partis de l'usine confuse et la mise à l'amiante. Ça c'est du rap de Titi parisien, avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Paris go, bête de feu. PSG sur le maillot comme Paris 7 Keiko. Paris 7 Gecko. Ah, Dieu. Professeur Punchline dans les bacs le 6 novembre, c'est vendredi. Mettez une petite piécette de côté. Et une liasse aussi pour venir voilà. À Phuket. Et une petite liasse aussi de côté, si jamais vous voulez avoir aussi la version collector. C'est quoi, une vingtaine d'euros pour l'avoir? Ouais, ouais, c'est je ça, crois, c'est 20 balles. Mais il y a quand même le t-shirt avec. T'as un t-shirt, t'as un CD et une chance sur 35 000 de venir en Thaïlande avec une deuxième personne de ton choix. Ce qui est mieux que le loto et tous les jeux de grattage, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Là, c'est pratiquement gagné. Là, t'es sûr de tirer en plus. C'est un jeu de tirage. Après, bon... On voit si tu gagnes à tous les coups, mais... Une chance au tirage, une chance au massage. Eh ben, n'hésitez pas, c'est dès vendredi dans les bacs, Professeur Punchline. Un petit mot quand même sur ce son, qui est donc Titi Parisien, qu'on retrouve sur l'album Professeur Punchline. C'est un morceau un peu plus justement lié aussi à l'actualité. Tu fais référence à Clément Méric, qui est un petit gars qui a disparu, qui s'est fait cogner à la sortie d'un showroom, de Fred Perry. De Fred Perry, voilà, où l'histoire... C'est un positionnement antifa contre les... La jeunesse fasciste de Paris, tu vois. Voilà, important c'est... ça. Mais c'est aussi important, voilà, est-ce qu'ils sont durs à écrire ces morceaux, justement, cette... quand on est un petit peu loin, quand on est parti s'exiler, quand... Non, ça va, J'essaie d'écrire avec de la qualité, c'est pour ça que des fois des morceaux sont longs à écrire, mais... Voilà, quand j'ai une instru qui m'inspire, ça sort tout seul. Et tu sais toujours ce qui se passe en France régulièrement? T'arrives à te renseigner? Tu passes par quoi pour te renseigner? Ouais, bah il y a les réseaux sociaux. Déjà, je suis connecté avec la France par les réseaux sociaux. Et chaque jour, il y a un arrivage peut-être dans le bar de 50 Français par jour qui viennent de Lyon, de Marseille, du nord de la France, de partout. Donc voilà, j'ai les infos et je te dis, à travers ça aussi, je vois qui a le buzz dans le rap, qui fait du bruit en ce moment et tout. Parce que c'est vrai que je suis un peu déconnecté, mais je reviens souvent. J'ai besoin de revenir à Paris pour la tournée, pour être proche du public, quand même. C'est pas tout le monde qui peut se payer un billet d'avion pour la Thaïlande, donc c'est important de pouvoir me voir dans ma ville aussi où j'ai grandi, dans les Grecs du coin. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour le public, tu vois. Tu parles thaïlandais maintenant ou... Ouais, j'ai fait 2 ans d'école là-bas. Deux ans d'école, t'as appris, donc tu sais. Je me débrouille, ouais. Tu te démerdes. Je bricole. Compliqué ou pas, Thaï, à apprendre quand t'es français, marrant parce que c'est une langue primitive, donc il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas de grammaire. Et c'est une combinaison de mots, tu vois. Eux, ils disent pas des glaçons. Ils appellent ça de l'eau dure. Donc, tu dis le mot eau et après, tu rajoutes dur et ça fait eau dure. Tu vois. Et qui se dit alors ça se dit Namkeng. Namkeng. Voilà, Nam, c'est l'eau. Keng, c'est dire dur. Donc, et tu additionnes les mots. Namkeng. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, c'est assez, assez basique là-dessus sur voilà. La construction des mots. Sent bon, ça se dit om. L'eau qui sent bon, ça fait du parfum. Nam om. Nam om. Voilà. T'as vu ça? C'est bien, c'est court de thaï pour tout le monde ce soir. Voilà. Entre 20h et 21h, tiens, en parlant justement de Thaïlande, on va voir si tu es bien intégré. J'ai un petit quiz pour toi. Ah ouais. Un petit quiz très rapide, cette gecko. On va voir si tu es très fort et très intégré en Thaïlande. Quel est, vol d'oiseau, la distance entre Paris et Phuket? 12 000 km. Pas moins. Ah, 11 000. 9 000. Ah ouais. 9 773 km. Je compte les escales ou les essais quand on part en Malaisie pour arriver à Phuket. Le 1er juillet de chaque année, que célèbrent les Thaïlandais? Oh, je sais pas toi, un Bouddha Day. Le 1er juillet, c'est ni l'anniversaire de la reine, ni l'anniversaire du roi. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui peut être important plus que ça? C'est la journée de la mi-année. Bah, je connais pas. Bah voilà, écoute, c'est a priori. Et il y a le Songkran aussi, le 12 avril, qui est la fête de l'eau. C'est le jour de l'an thaïlandais. Voilà, ça, c'est des dates importantes à connaître. Mais ça, début le jour de la saison des pluies, ouais, exact. Le jour où les gens miaulaient, je sais pas c'est quoi ça. Alors, quelles sont les choses à pas faire quand on est touriste, par exemple, français, et qu'on arrive en Thaïlande profonde, j'ai envie de dire, parce que, évidemment, il y a certains endroits où ça s'est occidentalisé, ouais. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on est touriste? Eh ben, faut surtout pas manger épicé. Faut dire no spicy, parce que même le un peu épicé, il arrache le trou du cul, violent. T'as un dragon même, qui sort. Même quand tu demandes légèrement ouais, épicé. Non, y a un le dragon sort, le dragon crache le feu. Le dragon crache la lave, c'est un volcan. Donc, en même temps, c'est un bon conseil valable pour tout le monde. Ça, c'est le meilleur des conseils que je peux te donner. Et puis, pour les mecs qui viennent, qui n'ont pas l'habitude de conduire des grosses cylindrées, des motos, et qui ont l'accès à ça, il faut faire attention parce que chaque année, on perd un ou deux Français dans des accidents de moto. Et voilà. Faut dire qu'en conduite, c'est quand même très tendu en Thaïlande. Hein. Ouais, faut faire gaffe. Ouais. Faut faire très gaffe. Alors, moi, j'avais d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est plutôt quand tu vas en Thaïlande profonde, il faut pas montrer du doigt les gens. Ouais, ils aiment pas. Ouais. Ils aiment pas trop. Consommer de la drogue. Faut pas couper de gens qui parlent en passant au milieu d'eux. Tu vois, faut baisser la tête et se faire tout petit. Ils disent que ça coupe des fluides et des ondes qui se passent entre deux personnes qui dialoguent aussi. Il faut pas critiquer la Thaïlande. Ah, ça, c'est interdit, ça. Ni le roi. Et le bouddhisme. Ouais. Surtout pas critiquer non plus. Et il paraît aussi pointer ses pieds vers une personne. T'as entendu parler de ça? Si, ouais. Donc ça, il faut faire attention. Faire attention, mais ouais. Comme tu dis, c'est dans la Thaïlande profonde. Bon, maintenant, on va revenir sur Seth Gecko aussi. Un petit peu. Patron businessman. Combien de touristes viennent en Thaïlande chaque année, Seth? Approximativement. Ouais, c'est en millions, hein, je crois. Ouais. Ouais, c'est plus d'un million en tout cas. Ah, mais c'est même carrément plus. En 2011, 20 millions. Les chiffres de 2011, 20 millions de touristes qui ont débarqué en Thaïlande. Ouais. Après, à Phuket, moi je te parle des chiffres de Phuket, tu vois, mais c'est l'un des pays les plus visités en termes de tourisme. Et enfin, quelle est la boisson préférée des Thaïlandais? Il doit y avoir le Red Bull ou le Chang Beer. Oui, il y a ça aussi, mais il y a le Nom Yen. Tu connais Nom Yen? Ça, c'est de l'alcool avec un scorpion c'est dedans. C'est boisson glacée avec du sirop Hellboy, qui est un sirop incontournable en Thaïlande. Non, c'est pas la Thaïlande dans laquelle je vis, ça. Nous, on aurait donc menti sur mes infos. C'est whisky coca. Ça, c'est un quiz de Julien Lepers, là. C'est shampoing, ton truc. Bon, les mecs qui ont fait ça seront corrigés et n'iront pas en Thaïlande. Interdit de Thaïlande. Il faut surtout mettre des préservatifs. Voilà. Oui, ça, le conseil numéro 1. Comme partout. Le téléphone pour joindre Seth Gecko, on n'a pas pris de coup de fil, on le prendra peut-être dans un instant. 06 71 74 84 15. Et justement, il y a quelqu'un qui appelle. Tu veux prendre tout de suite? Bah, il a raccroché. Vas-y. 06 71 74 84 15 pour joindre Seth Gecko à n'importe quel moment. Bah, tiens, ça rappelle tout de suite, regarde. Si tu veux le prendre tout de suite, on y va. Seth Gecko décroche le téléphone de Planète Rap, la ligne directe pour joindre Seth Gecko. Allô, ma couillasse. Ah, comment ça va, ma bonne couille? Eh bah, ça roulotte, mon pote. Touche, tu verras. Voilà, vas-y, dis ça. Tu dis quoi? Denis Guichard, il est pas là? Ah non, il est pas là, mon gars, il est en train de gratter sa guitare. Il est en train de laver la caravane, ma couille. Bah, ça va, pas trop froid ici? Ça va un petit peu, mais ça tranquille. Commence. J'ai chié, le public me donne chaud au cœur, mon pote, ça réchauffe. Ah, bah t'inquiète pas, on est là, y'a pas de problème. On va aller pêcher l'album, y'a pas de soucis. Eh ben, t'es un homme, c'est tout ce que je peux te dire, mon poteau. Bah, c'est bien, mon pote. Bah, continue comme ça, on fait du sein. Tu balances une petite dédicace à tes copains? Ouais, dédicace à tout le 45, Orléans. Aïe. Et puis voilà, tous ceux qui me reconnaissent. Dédicace à Dossé. Et puis voilà. Eh ben, merci à toi. Merci à toi, mon loubar. Ouais, continue à le faire, t'es direct comme ça. Continue, mon Allez, dans un instant, nous allons revenir avec Seth Gecko. On mettra le medley qu'on a passé hier soir en début d'émission. Ouais. On réécoutera, comme ça on va pouvoir se replonger à nouveau dans Professeur Punchline, l'album qui sort vendredi. Bougez pas, on vous attend aussi au freestyle par téléphone et la roulette qui va tourner aussi. Inscription par SMS 41759. 41759. Ah, on nous dit, t'as oublié aussi un dernier conseil, c'est de faire attention aux Lady Boys. Ouais. Bah après, celui qui va vers un Lady Boy, c'est qu'il le veut un peu. Hein, bon, Lady Boy, c'est, pour l'explication, c'est d'apparence féminine. Ouais. Mais quand tu touches un peu, il y a des gros lots qui apparaissent. Des fois, ils les coupent, hein, gros. Ah bon? Et ça se respecte, ça, quand même, faut avoir des couilles pour se les couper. Voilà. C'est vrai. Faut avoir une sacrée paire pour se les couper, mon gars. Alors, ça se respecte. C'est vrai que ça se respecte. Voilà. Mais c'est aussi une tradition. Non, mais celui qui se trompe, il le fait un peu exprès. Tu crois que ça se voit vraiment? Je pense que c'est des tendances qui ressortent, ça. C'est des trucs. Quand t'aimes les femmes, tu sais reconnaître une belle femme, mec. Ça, c'est. Et un Ladyboy, il y a toujours un truc qui. Il y a toujours une grosse épaule, un gros pied, ou une grosse bosse, une grosse main. Une main, la Seth Gecko qu'on met sur le visage. Voilà, une grosse paluche. Bon, bougez pas, dans un instant, on revient. On mettra donc ce medley, le medley de Professeur Punchline, Seth Gecko, toute la semaine dans Planète Rap. Blacks. Ladies and gentlemen, 20h-21h, Planète Rap reçoit Seth Gecko. Skyrock. Le professeur Punchline est là toute la semaine entre 20h et 21h. Seth Gecko avec nous sur Skyrock. Eh oui. Et on avait promis avant la pub le medley pour se replonger tout de suite dans l'album. Dans l'univers. Dans l'univers de Seth Gecko. Régalez-vous, ça sort le vendredi qui arrive, là, là, dans 3 jours. Et on précommande dès maintenant. On peut préco sur iTunes, faites péter les photos, des screenshots des préco. Voilà, on retweet, on relaie, on est derrière. Ajoutez-moi, on va bien rigoler, les gars. Allez-y, et donc voici donc ce medley, voici ce qui vous attend dans les bacs vendredi. Professeur Punchline, Seth Gecko sur Skyrock. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la piatch et de la grosse cochonne. DJ, mais du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas régale. DJ, mais du gros son, du moment. Les mecs rêvent de Ken pour 3 ou 4 semaines. T'es la meuf du moment. T'es la meuf du moment. Grosse caisse, gros dérapage. Gros rafale sur videur, t'as gros recalage. Entre toi et moi, trop de décalage. Les têtes vont tomber et la gage. J'suis pas ton pote alors calme ta wash. Dieu est grand, j'en fais le témoignage. On charbonne comme les Shintawas. On charbonne comme les Shintawas. J'découpe l'instru comme un cruel charcutier. J'découpe l'instru comme un cruel charcutier. Que des gros poissons, on se déplace qu'en chalutier. C'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. Y'a ce coloré, coloré, coloré, coloré, coloré, coloré. Gros bonnet mais c'est pas l'hiver. On vend de la neige mais c'est pas l'hiver. On met des gants mais c'est pas l'hiver. On fait du ski à Dubaï mais c'est pas l'hiver. La grosse chatte à ta mère en pièce jointe. Yeah. Fais du bruit pour mon val d'oseille. L'euro rouge, je le porte à merveille. Ramène tes MC, je prends n'importe lequel. Les punchlines, je rap. Ta meilleure punchline, c'est que t'en as jamais fait. Passe-moi le micro, je vais te montrer comment on fait. Yeah. Monsieur l'agent veut mes papiers. Mais je les ai pas, je les ai oubliés. Ses collègues me regardent, les yeux écarquillés. Passez-moi les menottes. Pas de flèche, bébé t'es trop clean. Pas de toile, pas de microbe, donc j'aime les meufs qui s'épilent. Bébé t'es trop clean, bébé t'es trop fraîche. J'aime quand on les guide, explose tes grosses fesses. On m'avait dit étant petit, la vérité est dandine. La jeunesse est dans le team, le bloc de shit est dans le team. Ça c'est du rap de Titi parisien. Avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Je suis dans les faits divers, je nique ta mère comme Joe Star. Joe Star, Joe Star. Joe Star, Joe Star. Mec, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai sorti toutes les punchlines comme un gros gamin. J'habite sous le sunshine comme un gros gamin. J'paierai la main dans le bus line comme un gros gamin. Foulette, foulette, foulette comme une boulette en métal. Foulette, foulette, foulette comme une levée en bécane. Posé dans le check, posé dans le vide, posé, on me cale. On aime les soubrettes, soubrettes, soubrettes. Soubrettes en état, ma planète. Voici donc ce medley, ce méga mix, comme on disait à l'ancienne. The best of the mix. Le best of the mix de Seth Gecko à l'instant, le professeur Punchline qui sortira donc vendredi. Dans les bacs, on a pu retrouver certains morceaux. Et puis tu tiens même, pour ceux qui sont en train de suivre en vidéo l'émission, la box, cette fameuse box Seth Gecko. Voilà, mais après il n'y en aura plus dans pas longtemps. Donc il y aura le CD tout simple ou le iTunes. C'est bien à poser en plus au-dessus de la télé, t'as le truc comme ça. Tu peux faire une bête de taupe comme ça. Ah, hop là. Magnifique, Seth Gecko avec nous entre 20 et 21. Et je te présente Faz aussi de Chambly par téléphone. Salut Faz. Ouais, allô. Comment ça va? Ah, ça va super. Et vous alors, Seth Gecko? Il est là. Ça roulotte, mon petit pote. Bah ouais, ça roulotte, hein, au direct du 6-0, juste à côté de Saint-Ololo. C'est vrai, ouais, mon pote. C'est pas très loin. C'est la Picardie, ça. Ouais, c'est la Picardie. Ah. C'est l'Oise. C'est Chambly. Il était une fois dans l'Oise. C'est quoi? C'est Creil, Beauvais, Compiègne? Non, c'est plus à côté de Mériel, en fait. Ouais, c'est plus près. Ouais, c'est beaucoup plus près, ouais. T'as un peu 9-5 en fait, on va dire. T'as un peu 9-5. Et voilà, exactement. Eh bien, Faz, on t'écoute rapper maintenant, c'est parti? Ok, c'est parti. Hey, dans l'art j'excelle, sans excès de zèle. Aigle de la route qui t'enveloppe avec ses deux ailes. Je vais te piquer, te kick et te friter comme McCain. Je rêve de me payer une grosse Allemande, mais pas une Angela Merkel. Pour éviter nos regards, l'État nous maintient en levrette. La France nous guillotine, donc j'en perds la tête. Dans ce système, t'es dispensé de penser. Faut juste penser à des pensées. Il pleut des cordes, le ciel veut qu'on se pende après. C'est défoncé, la tactique tactile qui tacle et tacte les merdes. T'as plus le droit de te permettre, juste le doigt pour te faire mettre. Y'a un pas entre mon 6-0 et le 9-5 de cette gecko. D'où que tu sois, la vie c'est le ghetto. On tombe comme l'aiguille d'une Lexro. Kaira mentalité défonce les jeunes vierges, pas les jeunes vierges de Fontenay. Je veux un peu moins de fils de teutré, un peu plus de frites dans mon queue gré. Ça sent pas bon à Paris, moi révolutionnaire comme Che Guevara. J'enlèverai mes lunettes que quand tu danseras dans ça. Ça, si tu vois ma chevalière, crie pas wesh, ah wesh alors. L'avion fait Stedex, appelle-moi l'aéroport. Devant les Lamborghini, j'ai les yeux flous. Je veux plus de Michael Owen que Michael Owen. Derrière ma photo, Jésus Christou. J'ai un front 747, tête cabossée, tête de cabochard. Substance hallucinogène, endurcinogène. Nos gènes franco-rital, fric et flic sale. Reconnu comme reconnu, c'est criminaux. Les mains sales, une fois le Paris est plein. C'est criminaux, drive boy en caravane, patate de forain, c'est criminaux. Il est bon, salopard. C'est la Hesse, le fils de Jack Mess. C'est criminaux, la chevalière, le lion du pas de cowboy, c'est michto. Donc c'est criminaux, professeur Punchline, je serai présent au trapendo, car c'est criminaux. Ah, lourd mon gars, il a fait ça bien. Je crois qu'il y a de la référence là. Hein. Ouais, il fait plaisir. D'ailleurs, il a lâché une punch qu'à lui, parce que si les gens connaissent, il a repris tous les titres de mes chansons pour en faire une zikmu lourd face. Et merci. La punchline, je veux une grosse Allemande, mais pas Angela Merkel, elle est incroyable, gros. Validé. Elle est validé, il est validé. Celle-ci. Bah, merci, cette Gecko. Il porte bien son nom, frère. Il y avait plein de faces dans ton couplet. Et bah, bravo à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs, Faz, si on veut t'écouter, si on veut en savoir plus? Bah, moi, c'est sur Facebook, c'est FAAZH, ou il y a même Instagram, c'est FA4ZH. J'avais fait un petit montage à cette Gecko, où il, avec sa main qui mettait. Ah, d'accord, c'est toi, ok, je vois sur Insta, ouais, je relais tes photos, tes montages. C'est bien ce que tu fais, mon petit père. Bah ouais, merci, ça fait plaisir. T'as toute mon approbation, mon gars. Bah écoute, merci. C'est un grand honneur pour moi, je t'écoute depuis le début, donc ça fait vraiment plaisir, merci. Bon, est-ce que tu attends avec impatience donc cet album qui sort vendredi? Bah j'attends avec impatience l'album et j'attends aussi avec impatience le 20 parce que j'ai ma place pour le Trabendo et je serai devant. Ah, tu pourras pas louper Faz, il sera tout devant. Voilà, Trabendo na Bendo. Ah ouais, ça sera vraiment une soirée de fou et j'invite tout le monde à y aller quoi. T'as déjà vu toi cette Gecko en concert justement Faz? Je l'avais déjà vu à Beauvais, à l'Ouvre-Boîte il y a longtemps. Aïe. Et je crois que c'était à l'EMB aussi de Sannois. Eh ben ouais, et il ne reste ça. Plus maintenant qu'à gagner hein, dans les albums, peut-être un séjour en Thaïlande, 5 jours mériterait, en Thaïlande. Il mériterait, ce serait bien lui qui mériterait en tout cas. Ah bah j'aimerais bien en tout cas. T'as pas prévu... Achète plein de CD et t'auras peut-être la chance. T'as pas prévu de partir au Seth Gecko Bar pour l'instant, Faz? Bah si je vais en Thaïlande, j'y passe direct, c'est sûr. Directement, ouais. Et bah merci à toi en tout cas, Faz. Petit dédicace, petit message à passer, vas-y. Bah juste une dédicace à tout mon 6-0, à mon 9-5, c'est là où je travaille aussi, Seth Gecko. Et puis voilà, gros big up à tous. Merci à toi Faz. Continue comme ça Seth Gecko parce que c'est bien ma couillasse. Voilà, c'est du bon. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci à toi. Merci beaucoup, ciao. Ciao, ciao, Fast. Tiens, j'en place une. Je serai à Argenteuil, moi, samedi. Excuse-moi, j'ai fait ma petite promo. Pour le marché ? Non, pas pour le marché. Pour une association qui s'appelle Force des Mixités. Je sais pas si t'as déjà entendu parler. C'est génial, ça, non ? Voilà, Force des Mixités qui généralement fait une grande dictée. Ils ont fait avec McTayer, Rachid Santaki aussi. Et là, ils lancent un nouveau concept qui s'appelle le quiz La France en question. Où c'est la même idée, c'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu. Que tu sois petit, grand, gros, fin, ce que tu veux. En tout cas, tout le monde est le bienvenu. C'est à la salle Maurice Sauchon à 13h30 samedi. Ouais, on va s'éclater voilà, pendant une heure et demie ensemble. Il y aura des cadeaux à choper. Donc voilà, venez tous nombreux, c'est gratos. Il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde, donc il faut essayer d'arriver assez tôt. 13h30, samedi 7 novembre, à Argenteuil, salle Maurice Sauchon. Voilà, voilà. Je serai là-bas. Une petite dédicace à tous les gens d'Argenteuil. 9-5, mec. 9-5. Val d'Oseille. On a le temps de passer un morceau de l'album ou pas? Justement, bien sûr, évidemment, avant de passer au live. Eh ben, Val d'Oseille, mec, on est en plein dans le 9-5. Ouais, sinon, moi, j'ai un petit bulldozer de côté, mais on peut le garder, on peut le garder. Ouais, on peut se le garder sous le coude. Eh bien, alors, fonçons dans le 9-5 maintenant. Seth Gecko et le morceau Val d'Oseille. Le clip est aussi dispo, ambiance Mad Max. Exactement. Si vous n'avez pas encore vu les images. La grosse chatte à ta mère en pièce jointe. Tu roules en féfé sur les champs. Moi je préfère marcher pieds nus sur la terre sainte. Faire disque d'or avec du rap par corps. C'est dur comme des bouchers des chiottes avec un cintre. Faut crier pour que ces portes écoutent. Soit tu portes tes couilles, soit tu portes plainte. Les gars du crew attendent l'heure de gloire. Marc Dutroux attend l'heure de pointe. J'rappe pour mes fumeurs de zat et mes buveurs d'absinthe. T'es maquillé comme une voiture volée, ta mère la teinte. C'est pas un chirurgien qu'il faut, c'est un peintre. Voilà, rap ta mesquine, j'suis la version blanche de Despo. Cherche pas à savoir si on a de la blanche de dispo. Plus j'aime les femmes, plus j'aime les chiennes, qu'en pense le védo. Que la RATP me suce avec sa bouche de métro. Sale et le propos, schlag et le losbo. Mon disque d'or fondu sur ton crâne à la cale, Drogo. Yeah. Faites du bruit pour mon Val d'Oseille. L'euro rouge, je le porte à merveille. Ramène tes MC, j'prends n'importe lequel. Canon dans mon pantalon. Bang, bang. Tu ressembles plus à une tasse qu'à Pocahon. Les schlags veulent la galette mais pas les centons. J'suis pas venu là pour parler cent ans. J'fais des provisions sans chèque, des chèques sans provision. Les matons c'est des bâtards, t'es mal à la tête qu'ils ont. Il pleut des cordes, il fait un temps à s'évader de prison. Moi j'suis un papillon, mais j'veux pas de ta chatte en fleurs. J'fais le poirier quand j'pleure pour que les larmes coulent vers l'intérieur. Les MC viennent chez moi passer l'aspirateur. J'suis sûr qu'ils étaient pédés dans une vie antérieure. Reste à ta place de gentil rappeur. Ou ton clash va te péter à la gueule comme après avoir chié sur un ventilateur. Yeah. Faites du bruit pour mon Val d'Oseille. L'euro rouge, le porte à merveille. Ramène tes MC, j'prends n'importe lequel. Je me branle avec ton corps, c'est pas pareil. On porte pas d'américaine à pareil. J'ai le même vis que l'héritage à Palerme. T'es une chienne, mais t'en as pas l'air. Suce mon génital à pareil. Fais-moi une pipe au miel sur la bite, j'ai une abeille. Question préférée, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces bouteilles? On sort le pastis comme à Marseille. Tu bastos dans le Marcel. Hommage aux darons qui balaye. On sort des couplets, t'as les bootlegs de Harlem. Le poteau sort du star, alors on paye les TD. Demain c'est le ramdam, on sort le BDDT. Aujourd'hui t'as du buzz, demain t'en as plus, c'est comme l'oseille. Pète pas plus haut que ton cul, t'auras de la merde derrière les oreilles. Yeah. Faites du bruit pour mon Val d'Oseille. L'euro rouge, le porte à merveille. Ramène tes MC, j'prends n'importe lequel. Les punchlines, j'en ai à la peine. Seth Gecko et le Val d'Oseille à l'instant. C'est un morceau aussi que vous retrouvez. C'est un des premiers morceaux qui a été balancé d'ailleurs autour de cet album, Professeur Punchline. À chaque morceau qui a été balancé, il y a le clip qui va avec. Et il y a des images aussi qui arrivent prochainement d'ailleurs. Il y a le clip avec. Alors justement, message à toute la populace française. J'ai envoyé un clip qui s'appelle Délicatessen. Et si vous avez envie de voir le clip avec Niska, faites péter le million de vues au clip Délicatessen. Vous allez vous régaler. Ça il y a combien là? On a combien pour l'instant? Je sais pas, il doit être à 600 000, 700 000. Ah, on l'a envoyé il n'y a pas longtemps. Mais d'ici la fin de semaine, ça peut être réglé cette histoire. Il faut aller cliquer. Donc à partir d'un million, tu balances un nouveau? À chaque fois, c'est comme ça. Dès qu'un clip fait un million, j'aime bien en envoyer un autre. Ouais. Et là, il y a un peu de réserve. Il y a de quoi envoyer 3-4 clips derrière encore. Très bien. Voilà, j'ai voulu vachement imager les morceaux et faire partager aux gens l'univers, tu vois. Ouais, t'as toujours fait en même temps ça. C'est vrai que sur le côté visuel, il y a toujours eu d'ailleurs justement quelque chose de fort, mais sur cet album-là, vraiment, Néochrome et Believe, ils jouent vachement le jeu lourd. Et il y a un vrai soutien au niveau de l'image. Seth Gecko avec nous, ça sort vendredi, Professeur Punchline. Est-ce que tu es prêt pour le live maintenant? Toujours prêt, mon pote. On y va? Vas-y. Session freestyle dans l'émission. Monsieur Seth Gecko. Yeah. Damn, the boss. Seth Geeks. Ok. Cherche pas à savoir si je mange ou pas du repos. Alors du repas, on garde toujours la repas du repos. Je regarde Eurosport, il est temps que je reprenne l'Eurospo. Toi ton petit cul me donne faim, invite ma bite au resto. Je fais mon visa taille, je suis au Trocadéro. Dites-moi quelle chaîne de garde veut la bite de Roger Rappo. Des dédicaces à mon grand-père et Serato. Bardis, Fléchette, DJ Widim et son Serato. Rebu et la queco, redu et la gueudro. Je te mets des tapes sur le cul, je te prends un levrette comme le Khal Drogo. Sers-moi un verre de damoiseau, glace, pile et le Père Noël. Et tu l'ordure, on l'a fait cuire dans la cheminée. La chatte à Oprah Winfrey, la chatte à Rika Zaraï. Petit rataille, on bande dur comme au Galatasaray. Règlement de compte sur le boulevard Raspail. Tiré aux grenailles, c'est mal vu comme le tir à la Raspail. Aïe, ça c'est pour mes joueurs pétanques. Je suis un gros poisson et je suis monté comme un hippocampe. Ouais, un requin avec une bite de cheval de mer. Si on a sorti la même punchline, c'est que c'était de la grosse de mer. Ne jamais vendre la peau de l'ours mal léché. L'euro c'est une carotte à faire bander un maraîcher. Mouiller la maraîchère. Je me fais discret car tout ce qui est rare est cher. J'ai des bras de cow-boy jusque dans le Loir-et-Cher. Je suis aussi blanc que Kerry et noir et fier. Parle pas de punchline si tu sais pas les faire. Le clash c'est la dernière lueur d'espoir d'un mec dans le gouffre. Prends-moi pour une tête d'ampoule, je te fais une bête d'embrouille de ouf. Seth Geeks, ça c'est pour mes gecko youf. Seth Gecko, baba, Yuba. Ah. Merci à toi mon gars. Simple, efficace et concis. Court, simple, efficace. Professeur Punchline sera dans les bacs vendredi. Seth Gecko était en live à l'instant ce soir dans l'émission. Avant de se quitter, d'ailleurs, on pourrait peut-être remettre un petit Seth Gecko bar quand même. Parce qu'on y était tout à l'heure, on a vécu le bruit de la cloche. Eh ben, écoute, je suis heureux. Qu'on a pratiquement pas entendu parce qu'il y avait tellement de monde, ça hurlait tout à l'heure dans le Seth Gecko bar. Gars, les rappeurs sont dans les clashs. Seth Gecko, il est dans les cloches. Voilà. Voilà. Faites péter donc, les matines. Faites péter la cloche à Bobonne, mon coeur. Faites péter la cloche du Seth Gecko bar. Le morceau, on va le réécouter maintenant. Le clip est dispo, je le rappelle aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pareil, il fait un million de vues. On envoie une dinguerie derrière. On envoie, tiens, les gens ont apprécié le morceau Titi Parisien qui est un peu rap à l'ancienne. Et ça s'est fait aussi, il y a des images, il y a tout déjà. Tout est dans la boîte. Donc merci à Nicolas Noël et à Daylight et à Cody McFly pour les images. Allez, on écoute le morceau. C'est qui court bar, 29 rue Bengla. Si t'es un loupard, benga. J'aime trop les femmes, j'aime trop la sap. Tu veux du taf, passe-moi ton number de Tola Sap. Pour faire du twerk, pas besoin de work permit. 34 degrés en hiver, choc thermique. Viens en couple, en grosse équipe. Le son est thug, mais c'est pas bordélique. Nouveau bar avec ventilo et la clim. J'suis tranquillo avec la crime. Jason Voorhees au platine. Ici les filles travaillent, on dit surtout pas qu'elles tapinent. Fais péter la cloche. Fais péter la cloche. J'aime entendre quand la grosse cloche sonne. Y'a de la piatch et de la grosse cochonne. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Y'a des gros bonnets, de l'illégal. Pose ta bouteille de Chivas Régal. DJ, mets du gros son, tu nous régales. Appelle-moi Batman. Pièce de batte dans le calbar, Batman. Batman, Shrek, mes problèmes à coups de Batman.

dressé comme un volcan d'Auvergne. Contre les ivrognes qui nous gouvernent. J'aime les hommes qui ont de la pogne, les poignées de main ferme. Mon vrai ligot et les balances sur les voies des chemins de fer. Une amitié sincère c'est beau comme une prison qui brûle. Mais des boules caisses en enfer, y'a des gens qui hurlent. J'rappe la hure, personne joue du mambo. T'es en danger de mort comme les adeptes de Joe Dimambro dans le Vercors. Ça c'est du rap de Titi parisien. Avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Paris go, bête de feu. PSG sur le maillot comme Paris c'est Keiko. Yeah. Ça c'est du rap de Titi parisien. Qui sort tout droit d'un bouquin de Franck Margerin. Du rap de Martien comme Grishka et son frère Igor. Un son pas Igor, pas du Périgord. Qui s'exprime à l'aide d'argot et d'oxymore. Qui fut un temps vendé de la drogue sous le corridor. Ça c'est du rap de Titi parisien. J'aurais refusé qu'on me dise pédale même si je m'appelais Poulidor. Méfie-toi de l'eau qui dort. Si je marche à tête baissée c'est que ma chaîne pèse au moins de l'eau qui dort. Toujours fidèle à ma joncaille. T'as pas de lové ma caille. Va chiner son acaille. Aïe, en mes gants sur la Winchester chromée. Pour pas les se faire gauler. On a baigné dans le crime en nageant d'eau crôlée. À Leicester, que Dieu me préserve des rites mystiques d'Aleister Crowley. J'mets de l'argent de côté, c'est de la congélation de pognon. Dans tes amis, y'a ton pire ennemi déguisé. J'reste droit, comme la constellation d'Orion. Aligné avec les pyramides de Gizeh. Ça sent le kiss dé, c'est chaud pour ton matricule. Fil, circule entre les parties fines et les particules fines. Et j'lève mon verre de tease à la menthe. Pour les darons partis de l'usine confuse et la mise à l'amiante. Ça c'est du rap de Titi parisien. Avec un schlass dans la poche comme un Tunisien. La vie c'est dangereux, on en meurt tous à la fin. Cousin, rapper vite, ça veut pas dire rapper bien. Parisien, tête de chien. Ouais mais Paris go, bête de feu. PSG sur le maillot comme Paris 7 Gecko. PSG sur le maillot comme Paris 7 Gecko. PSG. Professeur Punchline dans les bacs, vendredi. Je ne vois pas après comment le PSG ne peut pas gagner après ce morceau. Tant d'amour, tant de force. Franchement, cette Gecko, c'est de la force. C'est de l'amour. C'est de la force qui arrive tout droit sur le stade Bernabéu. Avant d'être à Phuket, cette Gecko, il est à Paname, mon pote. Titi Parisien, c'est un morceau que vous retrouverez en tout cas sur l'album de cette Gecko. Merci pour cette soirée, Seth. Merci à toi. On se retrouve demain, mais juste avant, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la révélation de l'année, Nekfeu. Quoi de neuf, c'est ce bon vieux feu. En concert près de chez toi. Avec Lisa de Saint-Etienne. Salut Lisa. Ouais, allô, salut. Ça va, Lisa? Ça va super. Je te présente cette Gecko. Ok, enchantée. Enchantée. Je viens de découvrir. Et ben voilà, il est là. Elle a pas l'air très enchantée, la demoiselle. Si elle, elle est contente, Lisa, mais elle a très envie de faire tourner la roulette, ouais, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Et de dire stop dès que tu le sens. C'est parti. Allez. Stop. En équipe, pas toute seule, Lisa. Non, avec ma mère. Avec maman. Oui. Et bah, concert de Nekfeu, ça y est, c'est fait. Deux places qui vous attendent. Super, super, comme je suis contente. Deux places. Oh, merci, pour merci. Toi, pour le concert de Nekfeu près de chez toi. Super, vraiment super. On te fait un bisou, Lisa. Bah, merci. Je peux faire une dédicace? Vas-y, vas-y. Une dédicace à mes potes, Coco, Naomi et toute l'équipe. Voilà. Bisous, passe une bonne soirée. Bisous, Lisa. Cette Gecko demain? Bisous. Même endroit, même heure. On sera là un petit peu avant 20h, juste avant de retrouver D-Fool qui doit être aussi connecté maintenant. Et le freestyle d'hier est déjà dispo, oui. Et le freestyle d'aujourd'hui sera dispo dans la nuit. Donc voilà, soyez à l'affût, les gars. Momo est au taquet déjà, je le vois. Il est... Momo, ce sera peut-être après le match, hein, parce que là, je l'ai perdu. Allez, bon match, les gars. Je te cache pas. Bon app et bon match. Hello, cette Gecko. Coucou. Merci, Fredo. Merci à vous. 0-0 pour l'instant entre le Real de Madrid et le PSG. On va faire des pronostics d'ailleurs. Tiens, on vous attend. On cherche un supporter du Real, un supporter du PSG. Moi, je suis là. Et dans un instant, on fait les paris en direct. Vous êtes là déjà? Bon, c'est bien. Ouais. On a déjà deux. Hein. Sinon, pour vos messages, c'est sur le 41-759, sur l'appli Skyrock et au 01-53-40-30-20. Dès maintenant, vous pouvez y aller. Non, t'es pour Paris, oui, je sais. Mais Samy aussi, apparemment. Non, non, je suis pour le Real, gros. Je t'ai dit que j'étais là. Hein. Ah, très bien. Samy, il est pour Paris. Oui, ça y est, c'est sûr. Derrière Cristiano Ronaldo. Bon, on fait les paris là dans un instant. Préparez-vous. Et puis, on vous attend en direct tout de suite. Vous nous appelez, vous nous laissez vos messages. Vous débarquez en direct sur Skyrock pour le match, évidemment, pour le reste aussi. Et demain, le retour de Seth Gecko, c'est reparti. C'est partout à partir de 20h. Exactement le slogan de l'émission. C'est bien ça. Cette semaine, tu as tout à fait raison, D-Fool. J'ai bien écouté ce soir. C'est cul, au top. Bon, merci Seth Gecko, merci Fredo. Demain, le rendez-vous. Et tout de suite, on arrive sur Skyrock avec Mr. Policeman, le son d'Eva Simons, le match de foot et vous tous en direct jusqu'à minuit sur Sky. Ciao. Ciao. Fredo. Premier sur le cash. Quelle est ta radio préférée?